حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل فسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الله سبحانه وتعالى il dit, selon une traduction approximative, dit: voyagez sur terre et observez comment la création a débuté. وفي الآية الأخرى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Et dans l'autre verset, il dit: voyagez sur terre et observez quel a été le châtiment des gens qui démentaient les versets d'Allah Azza wa Jal. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a certes dans l'alternation ou dans la création des cieux et de la terre, ainsi que dans l'alternation des jours et des nuits, des signes pour les gens dotés de raison. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ceux qui méditent et réfléchissent sur la création, c'est-à-dire la création, la nature, la création, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et ils disent: ô mon Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Na'am. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. N'observe-t-il donc pas les chameaux, comment ont-ils été créés? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Et n'observe-t-il pas les cieux, comment ont-ils été élevés? Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Et les montagnes, comment elles ont été dressées? Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Et la terre, comment a-t-elle été aplanie? فكل هذه الآيات التي ذكرناها تدل على أهمية النظر في آيات الله الكونية والشرعية. Donc tous ces versets que l'on vient de citer, il y en a plus encore. Mais en tout cas, les versets qu'on vient de citer, ça montre l'importance que le serviteur doit avoir sur le fait d'observer la nature, d'observer son environnement et de voyager pour observer la création d'Allah Azza wa Jal. Fa hawa nahnu kama ta'lamun qad yassara Allah lana ziyarat baldatan aw baldatin tayyibah. Et donc, comme certains d'entre vous le savent, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité la visite d'un bon pays. Ala wa huwa al-mamlakati ou al-mamlakato al-arabiya, al-maghribiya, al-hashimiya, al-uzma. Tilkum al-bilad al-azima, al-muslima, walillah al-hamd, wal-minna. Et donc le pays en question n'est autre que le royaume du Maroc. نقول الهاشمية لماذا يا رياض؟ Et pourquoi on dit lorsqu'on parle du royaume marocain, on dit ou certaines personnes disent le royaume arabe marocain هاشميت لماذا؟ ما تدري؟ أنت جزائري. أحسنت. أنت يعني تعرف؟ المغاربة ما أسألهم أصلا. المغاربة ما بالي كسوني. لكن جعفر. نعم. نعم. لأن الملك من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم أو من أسرته. Pourquoi? Parce que le roi ou les rois, hein, que ce soit Mohammed VI ou Hassan II, ce sont des descendants de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. فلهذا تسمعون عن هذا الكلام يعني يضيفون في ذكر بلد المغرب الهاشمية. تمام. على كل حال وجدنا كما تذكرنا بلدة طيبة عامرة بالخير وشارع الله قائمة. Et on a trouvé, comme on l'a dit, énormément de bien dans cette visite qu'on a fait dans ce pays. Et on a vraiment trouvé que la législation d'Allah Azza wa Jal était dans ce pays, ou du moins dans la partie qu'on a vue, apparente. Walillah alhamd. Fana suha tayyibun. Et aussi on a vraiment apprécié la population. Naam. Wa in kunna ma zurna تلك البلاد كاملا انما جوز يسير لكن نحمد الله. Et cette parole là même si on dit ça, même si on n'a pas visité tout le Maroc et qu'on a visité juste une petite partie, lidir qalwaqt, à cause du peu de temps, لكن حصل خير ونحن نزلنا في مدينة طنجة التي تقع في شمال المغرب. Et donc on a visité le pays ou la ville qu'on appelle actuellement Tanger, qui se trouve au nord du Maroc. وهي تطلو ما بين البحرين. Hein? Et c'est une terre, Tanger, qui s'étend d'une mer à une autre. Qui connaît les deux mers sur lesquelles yani la ville de Tanger s'étend? Hein? Naam, la Méditerranée et l'océan Atlantique. Taïb. La Méditerranée et l'océan Atlantique. Comment tu dis ça en arabe? La Méditerranée, kef taqul? Allah alam. L'océan Atlantique. L'océan, comment tu dis l'océan? Al-Muhit. Naam, Al-Muhit Al-Atlasi. Al-Atlasi. Taïb. La ville de Tanger, elle s'étend sur ces deux mers. La mer Méditerranée, qu'on appelle Al-Bahr al-Abyad, Al-Mutawassit. En arabe, Al-Bahr al-Abyad, Al-Mutawassit. Et كما تذكرنا المحيط الأطلسي et aussi l'océan Atlantique. نعم. وهي بلدة أو مدينة طيبة جميلة. C'est une belle ville, la ville de Tanger. Son climat, il est doux. Ni trop chaud, ni trop froid. متوسط جميل جدا. وعندك البحر والغابة. Et tu peux aller aussi profiter de la vision de la mer, comme tu peux aussi profiter de la vision de la forêt. نعم. وربما الصحراء. Et aussi peut-être tu peux trouver des coins désertiques. والله تعالى أعلم. نعم. و يذكرون بعد المؤخرين أن تسميتها جاءت لبعض الأمور. Donc certains historiens ils disent que l'appellation de la ville de Tanger, c'est dû à certaines choses. Certains ils disent que c'est le nom d'une femme. C'est le nom d'une femme. C'est-à-dire dans les anciennes histoires des divinités, apparemment des divinités grecques, il y a eu un combat entre celle qui représente la mer, la divinité qui représente la mer, et celle qui représente la terre. Et celui qui représentait la terre a tué celui qui représentait... celui qui représentait la mer a tué celui qui représentait la terre. Et la veuve de celui qui représentait la terre, elle s'appelait Tanger. Total. Elle s'appelait Tanger. Certains disent ça. D'autres disent لأنها تقع في أو حيث وقع الطوفان لقوم نوح. Certains ils disent qu'elle s'appelle Tanger en lien avec le toufan, en lien avec le déluge, le typhon qui a touché le peuple de Nuh. Donc, si c'était une parole authentique, ça voudrait dire que Tanger, c'est une des villes dans lesquelles s'est passé le déluge. Tamam. وبعضهم يقولون أنها سميت هكذا لتذكرة لبعض أو لإحدى أميرات البلاد. Et certains ils ont dit que on a appelé la ville comme ça pour que ce soit un rappel, car c'était le nom d'une des princesses du pays à l'époque. نعم. وكل هذا أساطير الأولين. Et tout ça, c'est des fables et des contes sur lesquels personne ne peut appuyer et dire que c'est authentique. نعم. لكن مع هذا يوجد ذكر مدينة طنجة في كتب أهل العلم. Mais malgré tout, le nom de la ville de Tanger est évoqué dans bon nombre de livres de gens de science. نعم. كما في در الممثور للسيوطي للإمام السيوطي lorsqu'ils ont évoqué l'endroit où se trouve مجمع البحرين. مجمع البحرين ما هو؟ Quand on dit مجمع البحرين, c'est quoi? En français, en traduction rapprochée, c'est l'endroit où se rencontrent les deux mers. طيب. Ça, c'est venu dans le Coran ou dans la Sunna, cette expression-là. مجمع البحرين. Le Coran. Dans Sourate Ar-Rahman. طيب. مجمع البحرين هكذا؟ D'une autre manière. نحن نريد مجمع البحرين. في أي سورة؟ أو في أي حديث؟ سورة الكهف. نعم، سورة الكهف. في قصة من؟ موسى والخضر. وإذ قال موسى لفتاه لفتاه لن أبرح حتى أبلغ إيش مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. Lorsque Moussa il dit au Khadr, il lui dit, il dit à son Khadim, Al-Fatah, c'est le Khadim, c'est-à-dire son serviteur, il dit, je ne m'arrêterai pas dans mon voyage jusqu'à ce que nous atteignions l'endroit où se rencontrent les deux mers, même si cela doit me fatiguer énormément. Même si cela doit me fatiguer énormément. Et donc là, les savants, ils ont divergé. C'est où cet endroit où se rencontrent les deux mers? Certains, Mufassirin, ils ont dit, c'est en Afrique. Hein? Ça, c'est le qawl de Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, le grand sahabi, il a dit, c'est en Afrique. T'as vu? Ou d'autres, ils ont dit, c'est... la mer... comment s'appelle la mer de... la mer Noire. La mer Noire et la mer Rouge. Tamam. Et d'autres, ils ont dit, comme Mohammed ibn Ka'b, ils ont dit, Majma' al-Bahre, Tanja. Yani l'endroit où se regroupent les deux mers, c'est la ville de Tanger. Naam. Fa in kana in sahha dhalik, si c'est la vérité, alors c'est un fadl zahir, c'est un bienfait pour cette ville-là et pour le pays tout entier. Ça montrerait que quoi? Qu'un prophète, il est passé par là, voilà là. Hein? Ça montrerait qu'un prophète, il est passé par là. Et c'est pas négligeable. Taïb, on dit un prophète, voilà que un seul prophète? Un seul prophète? Si on dit que Medina Tanja est un موقع مجمع البحرين. Si on dit que la ville de Tanger, c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans sourate Al-Kahf. Deux. Parce que les autres, c'est qu'un avis. Nabi. Ça veut dire que son passé par ce, si toutefois c'est authentique, ça veut dire que son passé par cet endroit-là, Moussa, qui fait partie de Ulul Azm, qui fait partie des meilleurs des prophètes. وكذلك الخضر, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a informé Moussa qu'il va rencontrer un serviteur parmi ses serviteurs à qui il a donné une science qu'il n'a pas donnée à Moussa, qui va le rencontrer à cet endroit-là. Ça fait deux. Il n'y a pas un troisième prophète? من يعني يقرأ في التفسير؟ ها؟ يا با ان ثالث بروفيت؟ الله اعلم. احسن. دون القصة. الفتى. الفتى. من هو الفتى؟ سي ابن موسى. سي با الفيس دو موسى. لا سبارو يوشع ابن نون يوشع ابن نون c'est l'un des petits-fils على ما يذكرون المفسرين c'est l'un des petits-fils de يوسف عليه السلام تمام على كل حال ils disent que c'est un nabi qui était avec Moussa تمام donc ça fait على هذا. Si c'est thabit, ça voudrait dire que c'est pas un prophète qui est passé par cette médine, mais c'est trois. Non. Tout ça pour dire le fadl, et qu'il est bon que le musulman il s'intéresse à l'histoire des pays, surtout les pays d'islam, car chaque pays d'islam il a une histoire ajib, une histoire étonnante. C'est pourquoi les savants ils consacrent une partie de leur vie à écrire des ouvrages sur l'histoire islamique ou sur l'histoire de certains pays. Et nous, في الحقيقة لما نزلنا في هذه المدينة الطيبة ما كنا قاصدا سوى هذا الأخ المبارك الموفق ذاكم الداعي إلى الله السني الخالص فيما نحسبه والله حسيبه. Et nous, en vérité, nous, quand on est parti à Tanger, on n'avait pas d'autre intention. Ce n'était pas le but premier de contempler la beauté de la ville. Le but premier, c'était de visiter notre frère en Allah Azzawajal. Hein, qu'on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre en lui énormément de baraka, ce prêcheur. Que la plupart d'entre vous connaissent, notre frère Abi Abdelrahman Munir ibn Ahmed al-Maghribi, hafidahullah wa ra'ah. Notre frère Abu Abdelrahman Munir, fils d'Ahmed al-Maghribi. Fa nahmadullah azza wa jal, alladhi yassara hadha al-liqa. Donc on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a facilité qui nous a facilité cette rencontre. فَإِنَّنَا قَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْهُ كَثِيرًا جَلَسْنَا فِي دَرْسِهِ وَإِذَا بِهِ يُخْرِجْ لَكْ فَوَائِدْ تَشُدُّ لَهَا الرِّحَالِ وَفَوَائِدْ أَخْرَجَهَا مِنْ بُطُونِ الْكُتُبِ. Donc on s'est assis à son cours deux fois. Et alhamdulillah, chaque fois qu'on s'est assis, on n'a jamais regretté. On a énormément profité. Il est venu avec énormément de leçons, de fawa'id, qu'il a sorti des plus précieux des livres. Naam. Fa kadhalik kana yas'al an ahwal al-ikhwa wal-akhawat fi Fransa wa basharna bil khair. أنهم على خير وإن كانوا في فرنسا. Donc et comme vous le savez, lorsque les toulabs se rencontrent, en général, ça parle énormément de fawaid ilmiya, de da'wa, de la prédication, comment elle se fait. Donc lui, il me demandait comment ça se passe pour les frères en France, comment ça se passe pour les sœurs en France, est-ce que yani la ba's bihim. Et nous, on lui a dit la ba's. يعني pour une grande partie d'entre eux, alhamdulillah, يحضرون الدروس وكذلك. ونبهت على أننا نشهد في هذه الأيام ضعف لا سيما عند النساء. فكثير منهن على وشك الانتكاس. عياذا بالله. Et donc je l'ai informé du hal, mais je l'ai aussi informé sur une chose que je remarque. Surtout ces derniers temps, du côté des femmes, que beaucoup d'entre elles sont amenées à penser à revenir en arrière sur leur religion, revenir en arrière sur le hijab, revenir en arrière sur ihtiram al-din wa al-wajibat wa al-muharramat wa ghayr dhalik. وفي الحقيقة هذا يعني كما جي دي فرير منير سي peut faire un درس و un tambih sur ce point-là, le fait de sortir de la religion ou de revenir en arrière, surtout pour les femmes, c'est très très important. وفي الحقيقة نحن كذلك علينا أن نحث أنفسنا وإخواننا وأخواتنا على الثبات في الدين. Et nous aussi, on se doit aussi d'encourager nos frères ainsi que nos sœurs sur le fait de rester ferme dans la religion. Et c'est avec fort regret que des fois tu vas conseiller certaines de nos sœurs. Hein, c'est peu, la plupart elles acceptent. Mais il y en a, tu vas les conseiller, tu vas leur dire voilà, قال الله, قال رسول, قال سلف الأمة. Elles vont te répondre comme si يعني ما تبالي, comme si elles s'en souciaient pas, comme si ça l'intéressait pas. Mais si le haq il est avec elles, C'est là que c'est elle qui va te ramener des adillah du Coran, la sunna. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi al-karim wa idha du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma baynahum idha fariqun minhum mu'ridun. Et si on les appelle, là Allah subhanahu wa ta'ala il parle des munafiqin, il parle des hypocrites. Et lorsque, là on prend l'exemple des hypocrites, il faut savoir que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils craignaient sur eux l'hypocrisie. Ils craignaient sur eux l'hypocrisie. C'est pourquoi Omar ibn Khattab, il est parti voir Hudayfat ibn al-Yaman, car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé et lui a donné les noms de tous les hypocrites. Il est parti voir Hudayfa et lui a dit, est-ce que je fais partie d'eux? Donc ça veut dire, quand on parle de cette histoire-là, c'est pas pour blâmer quiconque, mais c'est pour nous faire nous-mêmes déjà un muhasabat al-nafs, c'est pour nous-mêmes se faire un examen de conscience, et aussi pour toucher toute personne qui entendra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des munafiqines, il dit, lorsqu'on les appelle à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, tu vois un groupe parmi eux qui s'en détourne. وَإِيَّكُمْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Et si s'ils savent que le haq, hein, leur droit, il se trouve dans la parole d'Allah ou dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, alors c'est là que tu vas les voir venir vers cette parole-là, مُذْعِنِينَ, yani soumis, assujettis. Hein? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit juste après? أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Est-ce que dans leur cœur, il y a une maladie? Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il parle, ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que, en fait, celui qui fait ces œuvres-là, qui rejette la vérité lorsqu'elle ne va pas avec ce qu'elle désire. Hein? La personne qui rejette la vérité lorsqu'elle ne va pas avec ce qu'elle désire, alors elle ne sort pas de trois cas. Et ce sont les cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqués juste après. Afi qulubihim maradun. Est-ce que dans leur cœur, il y a une quelconque maladie? Et ça, le fait qu'il y ait une maladie dans le cœur, ça c'est la pire des fitna, la maladie du cœur. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Baqara il parle des munafiqin, il dit dans leur cœur il y a une maladie, et Allah leur a rajouté à cause de cette maladie une autre maladie. Donc le fait d'être malade dans le cœur, c'est une grave maladie. Na'am. Ou bien ils ont un doute. Ou bien ils ont un doute. Et pareil, le shak, le fait d'avoir un doute sur la religion d'Allah, ça peut faire passer la personne du stade de muslim à quoi? À kafir. Et combien tu vois de sœurs, soit elles se disent, ouais, mais ce jugement-là ou cette mas'ala-là, Allah a'lam s'il y a vraiment mon bien dedans. Que ce soit sur le hijab, que ce soit sur le fait d'obéir au mari, que ce soit sur le fait de ne pas sortir sans son accord, que ce soit sur le fait de ne pas voyager toute seule, que ce soit sur le fait même d'éviter de regarder des choses muharrama ou ghayr dhalik, Rubama, elle doute. Est-ce que ça vraiment c'est interdit ou est-ce que ça c'est vraiment... Na'am. Donc ça, c'est les deux premières des choses. Taïb. Ouais, j'ai le baqiyat al-aya. Wa aw irtabu aw madha? Hein? Fi sourate al-mu'minun, c'est l'ayat al-aya. Aw yakhafu an yahif Allah 'alayhim. Ou ils craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit injuste envers elle, envers eux. Et ça, c'est la plupart des femmes dont la foi elle a baissé, elles sont plus dans cette catégorie-là. C'est-à-dire, elles voient que, en fait, cette religion-là, peut-être, il y a du tort qui leur est fait. Peut-être, il y a du tort dans cette religion-là qui leur est fait, dans ses interdits ou dans ses obligations. Or, il n'y a aucun tort dans cette religion. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé cette religion ni'ma. Il a appelé cette religion ni'ma. Donc cette religion, c'est une ni'ma pour les créatures. C'est une ni'ma pour l'homme, comme c'est une ni'ma pour la femme, comme c'est une ni'ma pour l'enfant, comme c'est une ni'ma pour la personne âgée. Mais ça, la personne qui n'étudie pas sa religion, elle a du mal à le savoir. Elle a du mal à le reconnaître. Elle a du mal à l'accepter. C'est pourquoi la plupart, il incombe à tout père de famille ou mari ou d'être vigilant sur la situation scientifique de son épouse. Qu'est-ce qu'elle connaît de la religion? Qu'est-ce qu'elle connaît de du fiqh? Il y a certaines parties qui lui sont obligatoires de connaître. Qu'est-ce qu'elle connaît dans la aqida? Tout ça, ça revient au chef de maison, à lui de faire son effort et d'inculquer à la personne, à sa fille ou à sa sœur ou à sa mère ou autre parmi les femmes, à lui inculquer la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire à tout un chacun parmi les musulmans. Na'am. À la kulli hal, vous avez le salam du frère Mounir, ainsi que d'autres frères qui se trouvent au Maroc, parmi les talabat al-il. Kullahum yusallimun alaykum. Tsadda. Kullahum yusallimun alaykum. Fa, à la kulli hal, Inch'Allah, naktafi bihada dhikr fi ma yata'allaq bi safarina. Wa kadhalika nunabbih. On a changé le programme pour les enfants. Pour les enfants, maintenant, on veut vraiment plus d'efforts, surtout des parents avec leurs enfants à la maison. Donc, ça ne suffit pas que l'enfant, il vienne, par exemple, il arrive samedi et commence à préparer ce qu'il doit réviser dimanche. Parce qu'en fait, nous, on n'a qu'un seul dars dans la semaine. C'est-à-dire, là, nous, on n'accepte plus que l'enfant, en fait, ils viennent avec une muradia qu'il a fait la veille. Non, nous on veut que on va à partir d'aujourd'hui donner des devoirs qui seront assez conséquents. Ça veut dire que l'enfant, il aura des devoirs pour toute une semaine en fait. Il faut qu'il ait de l'apprentissage, des choses à apprendre, des sourates ou des versets à apprendre, et il faut qu'il ait de la révision. Et la révision, elle doit être dans plusieurs parties du Coran. C'est-à-dire il a une partie apprentissage. Il a une partie révision des dernières sourates qu'il a apprises. Et il a une partie révision des sourates qui sont un peu lointaines. Ça fait assez longtemps qu'il les a apprises. Il faut qu'il révise cette partie-là. Et il a une partie aussi où ça, c'est les sourates, ça fait très longtemps qu'il les a apprises. Tamam. Et si l'enfant il vient, il récite par exemple le dimanche la partie qu'il doit apprendre, la révision de ce qu'il vient d'apprendre, ce qui est frais dans sa tête, la révision de ce qui est un peu moins et la révision de ce qui est lointain, il sort de notre dars avec un Coran qui est vivant. Ça veut dire la première fois qu'il va terminer le Coran, ça sera très facile pour lui pour le reterminer une deuxième fois. Parce que, comme vous le savez, le Coran, dans certains pays, il s'apprend plusieurs fois. Khatm al-Ula, al-Thaniya, al-Thalitha. Il s'apprend plusieurs fois. Donc, quand tu termines le Coran, tu le recommences. Si au début, tu l'as pour le terminer, tu faisais une page, quand tu vas le recommencer, tu vas le faire à trois pages. Trois pages par jour. Watantay. Wahakada. Après la troisième fois, tu prends un hizb. Un hizb par jour. Wahakada tantay. Tamam. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas que l'enfant il apprenne le Coran et il l'oublie. Wallah, moi j'ai vu des frères, Afadil, A'izza, des frères qui sont vraiment des frères de mérite, des du'at ilallah. Ils ont appris le Coran une fois, ils l'ont oublié. Assalam. Ils ont appris le Coran, ils ont tout oublié. Ils l'ont appris une deuxième fois, ils l'ont oublié. Ça montre que le Coran, il faut lui donner son haqq, il faut lui donner faut faire des efforts. Et pour nous, qui sommes des personnes adultes, c'est plus difficile. Mais pour des enfants, c'est encore plus facile. Et ce qui va rentrer là, pendant qu'ils sont petits, ça va rester. Tamam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, wassalna, fil asl, al-thalith, on est toujours dans. Inch'Allah, on va laisser un petit temps à la fin. Inch'Allah, notre frère Othman, il va donner une petite kalima. Ah, il va nous informer du hal, tfaddal. Il nous informera du hal. Kif kan al-hal fi Misr, Inch'Allah. Oui, bon, on laissera un petit temps, Inch'Allah, 5 ou 10 minutes à notre frère Othman, s'il peut nous informer de comment était le hal fi talab al-ilm fi Misr. Ajid. طيب on était dans quel asl Abba Idriss? Troisième. Dans le troisième asl. Wamada yaqul? L'obéissance au gouverneur. L'obéissance au gouverneur, na'am. طيب, l'obéissance au gouverneur. Na'am. طيب. Akhana Ja'far. Quelle est la première des sectes qui est apparue en islam? Al-Khawarij. Na'am. Ahsant. Et quelle est la pire des sectes parmi les Khawarij? Wa alaykoum salam. Ya Mohamed. T'as oublié? Al-Qa'diyya. Al-Qa'diyya. Na'am, Al-Qa'diyya. Tayyib. Ismaïl, on a vu certaines caractéristiques des Khawarij. On n'a pas tout vu encore, mais on en a vu certaines. Est-ce que tu peux te rappeler quelques-unes? Tahliq. Eh, na'am, le fait qu'il se rase la tête. Taïb, le fait qu'il se rase la tête, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il se rase la tête, c'est vraiment se raser avec le rasoir. Hein. Taïb, c'est se raser avec le rasoir. Mais l'alhamd. Al-mousse, c'est le fait de se raser avec le rasoir. Et c'est le fait de le faire tout le temps. Tout le temps. Dès qu'il voit qu'il y a un cheveu qui pousse, khalas, il rase. Hada, makro, c'est vraiment détestable qu'un musulman il le fasse. Pourquoi? Parce que c'est du teshabbo, bihaoulaï ad-dullah. On avait vu quoi aussi comme caractéristique? Il récite beaucoup le Coran. Et il le récite bien. Il le récite bien. Et c'est pourquoi, vous voyez, la plupart des récitateurs, ils ne sont pas sur la sunna. La plupart d'entre eux ne sont pas sur la sunna. Ou une grande partie d'entre eux ne sont pas sur la sunna. Non. Et là, ça fait chadid. Taïe. Non, moi. Ce sont des prieurs et des jeûneurs. Ils prient beaucoup. Non. Ils prient beaucoup et ils jeûnent. Énormément. Non. طيب, donc on continue. قال وسئل عنهم فقيل له ما سيماهم فقال التحليق او قال التثبيت. Donc on n'avait pas terminé le hadith. Lorsqu'on lui a demandé c'est quoi les caractéristiques des Khawarij, il a dit التحليق, yani le fait qu'il se rase la tête. Ou, قال التثبيت. Ou il a dit التثبيت. والتثبيت ترك الأذهان. Donc, il a dit التثبيت. Et التثبيت, c'est le fait de délaisser الأذهان, c'est les graisses, la crème. Tamam? Quand on dit أذهان, c'est nous aujourd'hui, on va le traduire comme crème. Mais à l'époque, c'est plus les huiles. Tout ce qui servait à embellir la peau, ou à nourrir la peau. Tamam? Ça aussi. Le fait de délaisser ça, hein? Les Arabes, ils mettaient quoi? Sur leur visage? Zitzitoun. Zitzitoun. Non. Donc le fait de délaisser ça volontairement, c'est un des signes des Khawarij. Donc ça, comme le hadith il est venu dans le Sahih al-Bukhari où le prophète sallam il a dit at-tahliq ou at-tasbih. C'est soit ils sont rasés ou soit ils évitent de mettre de la crème. Et donc c'est soit ça soit ça. Mais la plupart des, ou beaucoup de savants, ils disent que il n'y a pas de mal à ce que ça soit les deux. C'est-à-dire, ils se rasent la tête et en même temps, ils délaissent les crèmes ou tout ce qui nourrit la peau. Non. Donc ça, nous, on a l'yakin, si. On doit avoir la certitude, parce que c'est les paroles du prophète, alayhi, mais c'est des paroles authentiques. On appelle l'Algérie. طيب نعم قال donc ça là on a vu une partie des caractéristiques des khawarij. طيب قال صلى الله عليه وسلم ياتي في اخر الزمن قوم حدثاء الاسنان وسفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه الحديث رواه البخاري. طيب. Là aussi, c'est un autre hadith qui les caractérise. Il dit il viendra vers la fin des temps un peuple, Hudasa'u al-Asnan, des gens qui sont jeunes en âge. Et la plupart des Khawarij de notre époque, tu les vois, ils sont jeunes en âge. Non ? Ils sont jeunes en âge. Sufaha'u al-Ahlam. Ça veut dire quoi, Sufaha'u al-Ahlam ? Ignorants. Eh ouais, des ignorants. Mais c'est ouais, des ignorants. Yani fi uqulihim khiffa. Ce sont des gens dans leur raison, ils sont un peu idiots, ils réfléchissent pas suffisamment. Khiffa, c'est-à-dire ils sont la légèreté d'esprit. Tamam? Non. طيب يقولون من قول خير البريه. Et ils diront de la parole, où ils utiliseront la parole de la meilleure des créatures. C'est la parole de qui? Ouais, Mohammed. Ça veut dire qu'ils vont venir avec des hadiths. Ils vont parler avec des hadiths. Mais qu'est-ce qu'il dit juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, et ils sortiront de la religion comme la flèche sort de son carcan, ou de son arc. Ouais, de son arc plutôt. Comme la flèche sort de son arc. Donc certains savants, ils ont pris ce dalil là pour dire que les khawarij, ils sont kuffar. Les khawarij sont kuffar. Ils sont des mécréants. Et qui parmi les grands imams de notre époque est de cet avis là? L'imam Ibn Baz. Alayhi rahmatullah. Non. Alayhi rahmatullah. Taïb. Fahum ubadun nussak. ظاهرهم الصلاح والتقوى. Donc les khawarij, ce sont des personnes qui des dévots, des gens qui sont constamment dans l'adoration. Leur apparence est pieuse. وسيماهم التحليق والتثبيت. Et leur apparence, c'est-à-dire comment ils se caractérisent? Par le rasage de leur tête ou le fait de. Et aussi le délaissement de crème ou d'huile. Ou asirar al-asnan. Et aussi, ils sont jeunes. Ou atakallamuna bi hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils parlent avec le, en utilisant les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Na'am. Wa hunaka kadhalik athar jamil an Ali. لكن لا يحتاج نقرأه. قال ومن أوصافهم أيضا يستخفون عن الناس ويختفون عن الأنظار ولا يظهرون أنفسهم كالخفافيش. Et aussi parmi les signes des khawarij, c'est des gens qui évitent de trop se montrer devant les gens. Ils aiment bien se regrouper en secret, parler en secret. نعم. وكذلك يظهرون أو يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستميلوا قلوب الناس. Et aussi, parmi leurs caractéristiques, ils font comme si ils ordonnaient le bien et ils interdisaient le mal. Et ceci afin d'attirer le cœur des gens, de faire pencher vers eux le cœur des gens. وكذلك يضعون النصوص في غير مواضعها. Et aussi, parmi leurs caractéristiques, ils utilisent les textes et ne les mettent pas à leur place. C'est-à-dire, ils vont utiliser les textes du Coran et de la Sunna sans les mettre à leur place. Et ceci, pourquoi, Yahya Khouan ? Pourquoi ils vont prendre des textes du Coran et ils vont pas savoir les mettre à leur place, les utiliser comme il se doit ? Pourquoi ? Manque de science, na'am. Et aussi, parce qu'ils n'ont pas étudié auprès des gens de science. Il y a eu une coupure. Comme j'ai assisté dans le Dars de Mounir, il encourageait ses élèves à faire attention à ce qu'il y ait une quelconque coupure entre l'élève et le alim. Il y a un peuple qui coupe avec ses ulama, il va droit à sa perte. Il va droit à sa perte. Non. Ou le Khawarij. من أين يأتون الناس؟ Donc les Khawarij, comment ils s'approchent des gens tout d'abord? Les Khawarij, comment ils s'approchent des gens? Il vient direct et dit vas-y, prends les armes, on sort contre le gouverneur? Non, les paroles, les sentiments. Il vient avec les paroles, les sentiments, na'am. Ahsan. Fal Khawarij, بداية شرهم زرع العداوة والبغضاء في قلوب الرعية على السلطان. Donc les Khawarij, le début de leur da'wa, c'est de semer dans le cœur des gens de l'inimitié et de l'animosité contre qui ? Contre le gouverneur. Non. Wa tahrish al-amma ala wulat al-umur. Et eux, quand ils font ça, ils prétendent que quoi ? Ils prétendent que ils ordonnent le bien. Ils prétendent qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal. Na'am. Na'am. Et qu'ils interdisent le mal. Wal-ghayra al-din wa izhar al-haq. Donc ils disent qu'ils font tout ça par jalousie pour la religion. Parce qu'ils sont jaloux de cette religion-là. Na'am. Taïb. Wa'adam al-sukut anil-munkab. En gros, haoula kadhabun. Donc les Khawarij, ils mentent. Quand ils viennent, ils commencent à vouloir prétendre qu'ils veulent ordonner le mal, ordonner le bien et interdire le mal. Or, en vérité, ils font tout le contraire. Ils font tout le contraire. Non. Taïb. Wa aqidat al-khawarij. Wa aqidat al-khawarij. Hal. Yani, ça tabqa ila qiyam al-sa'a. Ou. Est-ce que la croyance des Khawarij elle va persister à travers les temps jusqu'à la venue de l'heure, c'est-à-dire juste un peu avant l'heure, ou elle va disparaître? Parce que là, est-ce qu'il y a des sectes dont la croyance a disparu totalement? Al-Qadariya. Bon, eux encore, Jibriya, Baqir. Lakin Al-Qadariya, Roulat. Roulat, on va dire Roulat, comment on pourrait traduire? Une certaine partie des Qadariya, la secte qu'on appelle Al-Qadariya, eux, ils ont totalement disparu. À notre époque, tu ne verras plus jamais des gens. Qui parlent de leur manière. Vous voyez ? Mais est-ce que les Khawarij, eux, ils vont disparaître ? Hein ? Le professeur, dans le hadith, il a mentionné que cette secte. Il n'avait parlé que d'eux. Ou il a mentionné d'autres sectes dans les autres hadiths ? Dans d'autres hadiths, il a mentionné les Qadariya. Ah non. Non. Dans d'autres hadiths, il a mentionné les Qadariya. Taïb ? Hein ? Na'am. فاستفيدوا يا إخوة أن هذا الفرقة الخبيثة تبقى على مر العصور إلى خروج الدجال. Donc cette secte, malheureusement, c'est une épreuve d'Allah. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. Malheureusement, c'est une secte qui va rester,